5, C. Office de tourisme de Roquebrune-Cap-Martin, bonjour. Bonjour, je voudrais quelques renseignements. Bien sûr, je vous écoute. Ben, j'arrive après-demain à Roquebrune, et je voudrais savoir quel temps il fait. Il fait très beau, madame. Le ciel est clair, et il va continuer comme ça les 10 prochains jours. Ah, merci. Et il fait chaud ? Oui, il fait 30 degrés, très chaud. Oui, très chaud. Il y a une autre chose que je voudrais savoir ?